Voilà, mon fils. Arrête de m'appeler ma vie dans ton tel, j'ai vu ma vie. Un jour je serai ta vie, mais pour l'instant je me l'évite. On dit de toi que t'es belle, mais moi je t'ai vu qu'en vidéo. Si j'écrase un flic en deux roues, est-ce que ça devient un rodéo? J'suis dans la matrice comme Néo, guitare aveuglé par le Xeno. Arrête de faire le Roméo, Julien tourne de la map sans talent. Elle roule un pilon sans tarder, c'est fini, pourquoi s'attarder? Fais gaffe, derrière chaque belle fille se cache en fesse, tu m'attardais. J'écoutais à la savate, j'te prends dans le bloc comme ça gâte. Au check c'est pire que belle la vie, dans le bloc c'est devenu une saga. Les idées noires sous ganja. Le gloss pour t'enlever la vie. Quintero Rafa. J'ai fait le taf comme lui. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Mets-toi Rafa comme Rafa. Marbre liquide comme Rafa. Je me laisse pas faire comme Rafa. Je te laisse pas faire comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Mets-toi Rafa comme Rafa. Marbre liquide comme Rafa. Je me laisse pas faire comme Rafa. Je te laisse pas faire comme Rafa. Il avec brassard, mais sur le terrain, c'est pas le capitaine. Aller-retour me da en passant par la capitale. J'ai faim, je veux tout le Capitole, toutes les instrus, j'ai décapite. Golf 7, y'en a sous le capot, les camés, ce ça manque à pas. Dans la rue, c'est sauf qui peut. Le terrain, je vois l'équipe. Elles font les sous, je me lève plus tôt. Mon inspi, elle vient de Pluton. En un couplet, on les baisse, putain. 635, donne-moi le putain. En herbu, chaud, ça arrache à bail. Depuis de noir, ça revient à la baille. T'as vu, t'as vu quelques coups qui en baille. Sans plus, oui, j'ai fait chasser les bails. Qui votre côté j'ai guéri à tous les bagues. Parler du 6 pour harache de bague. Quand tu parles pour parler pour attirer à personne, espèce de rotaille. On baisse pas les tarots même si ta baboula est une actrice de porno. T'es complètement ferré. J'fais un clip pour les pull-up. Démarche en reine. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Mets-toi Rafa comme Rafa. Marche pour le Luke comme Rafa. J'me laisse pas faire comme Rafa. J'me laisse pas faire comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Fais le taf comme Rafa. Mets-toi Rafa comme Rafa. Marche pour le Luke comme Rafa. J'me laisse pas faire comme Rafa. J'te laisse pas faire comme Rafa. J'te laisse partir comme Rafa. Un homme à terre, une rafale. Sous vos bouts comme Rafa. Une pseudo après ta balle. J'ai mon brolique comme Rafa. BG comme le coup d'appal. J'ai vu Geek, c'est ça, faut kicker sous la trotte. Impossible de garder mon calme. J'vais faire mon taf comme là-bas. Petit, tu vas cavaler. Ça m'équipe même à la marche. Jusqu'à n'en pas de calé. Puis j'ai pas perdu le nord. Sa vie, celle-là, j'l'ai bien calé. J'vais vous faire danser le zouz. Et le coupé décalé. Bye bye, aïe aïe. Comme Big Ben, j'ai graille. Hack, là, j'suis à part. Et j'ai que de ça, mais à part. Bah, moi, je veux ma part. Bah, push, bah. Fais le taf comme Rafa, fais le taf comme Rafa, fais le taf comme Rafa, mets-toi Rafa comme Rafa, marche le bigger comme Rafa, je me laisse pas faire comme Rafa, je me laisse pas faire comme Rafa, fais le taf comme Rafa, fais le taf comme Rafa.